Vendredi 4 octobre 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler du 9e art et en parler sous diverses itérations dans divers univers qui tournent autour de l'humour, de certaines formes d'humour, de certaines formes d'absurde également. Notamment, on aura l'occasion de jaser un peu en mode rattrapage en fin d'émission avec Samuel Quentin autour de sa publication Ville et Misérable qui est arrivée le printemps dernier chez Papa. On l'avait échappé, on rattrape parce que ça vaut la peine d'en jaser. Également, il y aura Annie Frenette, directrice générale d'Antitube, qui sera de passage pour nous parler justement de l'avenue à Québec. Et ça se passe maintenant, depuis mercredi jusqu'à dimanche. Passage à Québec des cinéastes Prit et Olga Parn, les incontournables du cinéma d'animation. Également, en tout début d'émission, on aura l'occasion de porter un regard sur Chronique d'une fille indigne, ouvrage qui est apparu en librairie au début de l'automne, avec les auteurs Francis Desharnais et Caroline Allard. Et enfin, fin d'émission, eh bien, on aura le plaisir de débuter une nouvelle collaboration avec Mira Falardeau, qui s'intéresse à la bande dessinée sous différentes formes, et notamment sur la place des femmes, sur la création féminine en BD. Alors, on portera en fin d'émission des regards croisés sur des créations BD qui sont intéressées à Israël, en fait, à travers les regards de Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, et également de Sarah Glidden, Comment comprendre Israël en 60 jours. Alors, un beau menu, un gros menu pour l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité BD, eh ben notamment, on avait parlé l'année dernière des 400 coups, donc, qui avaient revu de manière assez générale leur bon mode de fonctionnement, certaines collections qui s'étaient trouvées ainsi relancées, c'était le cas de Mécanique Générale, certains titres qui étaient plus ou moins orphelins en termes de diffusion et qui se sont trouvés, donc tout récemment, de nouveaux éditeurs, donc c'est le cas de la collection Ariane et Nicolas de Paul Roux, qui a été récupérée, rachetée par Première Ligne, donc le studio de l'Outaouais. Paul Roux qui est une région d'adoption pour lui, voilà, cherchait quel était le nom des citoyens citoyennes de l'Outaouais, mais ça me venait pas. Alors donc on annonce du même coup avec cette acquisition l'apparition de deux titres, donc un nouveau Ariane et Nicolas qui serait la réédition d'un titre de 98 de court gag autour de l'univers de l'histoire du monde, donc ça ce serait en novembre de cette année, et un autre titre pour la série en novembre de l'année prochaine. Donc, une collaboration d'ailleurs dans la région avec un petit éditeur qui s'appelle Vendouest, qui est pas le gros Vendouest, qui est un autre Vendouest basé, lui, en Outaouais. Sinon, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier, et bien vous avez pu voir notamment qu'on a rendu public, en fait, en cours de semaine dernière, en fait, ça a été fait par l'éditeur Albert René, donc la page couverture du nouvel Astérix. Alors, est-ce que ce sera une bonne adaptation ou une mauvaise? On le saura d'ici la fin du mois ou au cours du mois prochain, mais d'ici là, ben, la page couverture, elle est rendue publique. Pas plus d'informations, cela dit, simplement que ça se passe en Écosse, comme on le savait déjà, mais si vous voulez voir de quoi ça a l'air, ben, vous fallait faire un tour sur le blog. Et également, on a mis en ligne aussi la première bande-annonce de Quai d'Orsay, qui, elle, me semble quand même passablement prometteuse. We'll be right back. Et voilà, toujours à la vie en BD, notre sélection de la semaine, toujours dans l'univers de la musique 8-bit, c'est Ravenstone, album éponyme qui a été publié au fil du mois de septembre. La pièce qu'on vient d'entendre, du moins un extrait, c'est Middle Ground. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous, en studio et au bout du fil, les deux auteurs de ces chroniques d'une fille indigne qui sont arrivées chez les libraires au début septembre, chez Amac. Alors, Caroline Allard, Francis Desharnais, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ben d'emblée, en fait, après avoir découvert, évidemment, l'univers de la mère indigne dans diverses itérations, on passe maintenant à l'univers des marmots qu'on avait vu sous le blog, évidemment. Caroline Allard, qu'est-ce qui vous a amené peut-être à passer du blog à la bande dessinée? Oui, ben en fait, ma fille, dans le blog et dans les livres qui ont suivi, était déjà une star chez les lecteurs parce que à chaque fois qu'elle disait quelque chose, ça sortait comme un gag. Comme par exemple, il y a quelque chose qui me dérange dans ma couche, elle m'avait dit un jour, puis j'avais dit « Ah oui, quoi? » Puis elle m'avait répondu « Ma main ». Donc ça, c'est vraiment un gag classique. Donc, c'était toujours parti de bribes comme ça. Puis j'ai pris l'habitude, même après avoir arrêté le blog, de les noter. Puis quand mon éditeur m'a dit « Ah, tu sais, tous ces petits mots d'enfant-là, on pourrait faire quelque chose avec ça », il m'a suggéré que ça soit une BD. Puis pour moi, ça allait vraiment plus loin que juste un recueil de mots d'enfant. C'est-à-dire que l'univers que le dessin créerait, ça apporterait vraiment une autre dimension à ce qui pouvait se passer seulement dans ma famille. Donc c'était pour moi la meilleure façon de publier des petits gags comme ça. Et c'était pas votre premier contact d'ailleurs avec la BD, vous aviez fait avec Iris pour en finir avec le sexe. Oui, c'est ça qui était un livre illustré aussi, puis ça, ben c'est ça, pour parler de sexe, le plus rigolo c'est d'avoir des images, donc j'avais demandé à Iris si ça l'intéressait de le faire avec moi, puis pour ce projet-là, le dessin de Francis, ben moi je l'aimais déjà beaucoup avec Burkett, puis mon éditeur me l'a suggéré, puis ça a vraiment été un travail d'équipe qui s'est super bien fait. Oui, en fait, donc c'est un peu la suggestion de Gilles Herman de Septentrion, de Hamac, qui vous a mis un peu en lien, mais ces deux univers, en fait, comme vous disiez, Caroline Allard, vous connaissiez déjà Francis Desharnais, vous connaissez déjà un peu aussi, donc c'est venu un peu assez naturellement, si on peut dire, ce partenariat-là, une fois que la proposition a été lancée. Oui, ben je me rappelle quand Gilles m'a écrit pour me demander si j'avais envie de faire quelque chose avec Caroline, ben j'ai dit oui tout de suite, parce que je connaissais déjà un peu Caroline. Puis je me disais, je savais déjà d'emblée que ça allait être amusant de travailler avec, puis que ça allait bien se passer. Puis quand j'ai su qu'est-ce que le projet allait être plus précisément, puis que je me suis rendu compte que ah oui, je pouvais apporter ma touche si on veut. Ben là c'est j'ai vraiment pris du plaisir à travailler, à faire les planches, puis bon à rendre ça en dessin. Et au niveau préparation, justement, on passe donc d'un format un peu plus blog ou de notes manuscrites, de notes écrites. Faut les adapter, faut les scénariser d'un côté, ensuite faut les mettre en dessin. Donc, côté scénario, peut-être Caroline Allard, est-ce qu'il y avait un bon travail de défrichage de faits ou est-ce qu'on fournissait plutôt beaucoup de matière brute, de choix de dialogue, des choses comme oui, ça? Oui, ben on a vraiment commencé, c'est de la matière brute. Moi, souvent, je les notais sur Facebook, là, bon, pour faire rigoler les amis Facebook. Et puis, donc, c'était vraiment seulement le dialogue avec aucune indication de lieu ou quoi que ce soit. Mais après, on s'est assis ensemble avec Francis, puis là, on a déterminé les lieux, où est-ce que ça pourrait se passer pour que ça donne un gag qui soit encore plus efficace, parce qu'évidemment, ça change quelque chose, que ce soit dans un contexte ou un autre. Puis aussi, pour le rythme des cases aussi, on avait vu un peu, bon, qu'est-ce qui pourrait aller dans la première, deuxième, troisième, quatrième, mais je dois dire que Francis y a été vraiment... En tout cas, ce que je lui ai livré, c'est pas la moitié de ce qu'il a fait, mais en fait, c'est-à-dire qu'il a fait un gros travail de scénarisation, de rythmer les gags, puis au final, vraiment, juste en parcourant, là, moi, je le vois, tout ce qu'il a ajouté à ça. Donc, c'est pratiquement une écriture à quatre mains, on pourrait dire, là. Oui, oui, oui, tout à fait. Et justement, Francis, au niveau de rythmer tout ça, on parle quand même donc de quatre planches, un format strip classique. L'idée, j'imagine, c'est de préparer le gag, de créer un suspense peut-être à la troisième case pour qu'après ça, la quatrième punch, la quatrième rentre au poste. Comment on aborde un peu la création visuelle de ça pour justement qu'on réussisse à créer ce suspense-là, qu'on réussisse à bien préparer, mettre en place le gag, mais en très peu d'espace, somme toute, là? Ouais, ben en fait, la grosse différence, je dirais, par rapport à Burkett, c'est qu'il y a une case de plus dans Fille Indigne, mm-hmm. Il y en a une quatrième. Puis cette quatrième-là est assez importante finalement parce qu'elle permet de passer beaucoup des silences, des moments de réflexion ou de préparer la chute, c'est-à-dire de s'il y avait le gag tenant une ligne de texte, ben en la coupant en deux, Ça permettait d'avoir une petite amorce dans la troisième case pour la faire tomber plus fort dans la quatrième. Fait que ça, c'était, j'aimais bien aussi ce format-là en quatre cases. Et ça peut être trop angoissant. On n'a pas eu l'angoisse de la troisième case. Non, mais en fait, si tu peux me permettre, c'est que aussi, ça correspond super bien à la façon dont les enfants réfléchissent, parce que souvent, quand ils sont en train de processer quelque chose, on voit quasiment les rouages en train de tourner dans leur tête, puis là, ils nous sortent quelque chose, puis je trouvais que la troisième case, en tout cas, ça joue souvent ce rôle-là, c'est-à-dire que tu vois vraiment Lali en train de réfléchir pour parvenir à une conclusion qui soit erronée ou qui soit méprisante envers sa mère, etc. Donc, je trouvais que ce silence-là, c'était aussi adapté au sujet. Oui, effectivement, puis ça apporte la particularité, la couleur au gag, ça vient l'enrichir, en fait, d'une certaine manière. Oui, oui, complètement, puis c'est ça aussi qui fait que, simplement d'avoir pris des statuts Facebook comme ça, puis les avoir transcrits là, dans l'univers visuel, ça a vraiment beaucoup apporté, parce que justement, ce rythme-là, cet espace d'attente-là, il pouvait pas être là si c'était juste les dialogues qu'on lisait. En fait, c'est ces genres de propos qui nécessitent une mise en scène pour les enrichir, pour les compléter, qui quitte après ça, j'imagine aussi à pas s'en tenir à la réalité pure et dure, mais dire ok, bon, ça a été dit dans un contexte, mais ça serait peut-être plus drôle si on la mettait dans un autre contexte, dans une autre réalité. Oui, oui, complètement. Puis moi, en fait, ce qui m'amuse dans ces choses-là, c'est pas de dire la vérité, c'est d'essayer de faire en sorte que ça devienne le plus drôle possible. Donc, effectivement, on a joué aussi, il y a certains gags qui répondent à d'autres. Puis souvent, quand il y a des suites comme ça dans les gags, dans le livre, c'est parce qu'on les a inventés après. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit le plus drôle possible. Puis c'est cette idée de gags récurrents aussi. Ça, je trouve que ça... C'est ce qui fait que l'univers se tient, puis que l'univers est de plus en plus construit, j'aurais envie de dire. Là. Puis ce qui fait que ça regarde bien pour les autres, ça me fait un peu penser à Peanuts, où au début on a peu d'éléments, puis on en rajoute un, puis un autre, mais on y va quand même à un rythme assez lent, mais qui fait que bon, ben quand il y a une blague de babine à la page 20, quand il y a une autre blague à la page 40, bon, on sait à quoi ça fait référence et c'est plus drôle. Donc, moi, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce projet-là. C'est cet univers-là qui est en train de se créer. Effectivement, puis avec quand même pas mal de personnages aussi, outre la mère et sa fille, il y a le père, il y a le frère, la sœur, le chum de la sœur, le chien, le pet, etc. Donc, ça permet une certaine galerie de personnages, ça permet de varier les situations, puis ça permet, sans nécessairement dire on raconte une histoire, mais comme on disait, d'avoir quand même un espèce de fil conducteur, entre guillemets, qui permet de relier les gags entre eux. Exactement, oui. Et au niveau visuel aussi, comment ça s'est passé, l'exploration? Est-ce que ça s'est fait un peu du côté de Francis, ensuite à des propositions à Caroline? Est-ce qu'il y a eu la fille indigne qui a eu son mot à dire là-dedans? Bref, comment un peu ça s'est passé, là? Ben, en fait, au début, Francis avait fait 4 ou 5 esquisses de personnages, puis effectivement, j'ai fait valider par fille indigne pour savoir lequel lui plaisait le plus. Donc, la petite fille qui avait les cheveux les plus longs, puis un t-shirt avec une tête de mort, ça a remporté le suffrage, ça a remporté les votes. Mais sinon, à part ça, bon, quand on parlait des endroits, des contextes et tout, après, Francis était très libre d'y aller avec son inspiration. Puis d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a mis plein de détails dont je me suis pas du tout aperçue. Des fois, il y a des gens qui viennent acheter le livre qui disent « Ah, ça m'a vraiment fait rire que toutes les têtes de poupées soient arrachées dans le livre. » Puis je m'en étais jamais rendu compte. Puis je pense que ça fait une pile de livres. J'essaie de mieux faire mes devoirs, là, puis de relire chaque page, puis de regarder comme il faut là, pour la prochaine fois que je vais voir Francis. Oui, en fait, je pense qu'à un moment donné, il met une pile de livres de philosophes à travers ça, un motel galactique. Ben oui, c'est ça. Ça aussi, ça m'avait échappé. En tout cas, faut croire que moi, c'est les mots, puis lui, c'est les images. Et j'imagine que de ton côté, Francis, il y a un plaisir à jouer comme ça aussi avec ta scénariste, de lancer un peu des pieds-nés, de s'amuser dans la création aussi. Oui, tout à fait. Puis ben là, c'est encore plus le fun quand c'est que je me rends compte que Caroline les voit pas vraiment. Alors, ça fait que je vais encore plus me permettre dans les prochains, fait que je vais avoir encore plus de fun. C'est ça quand il dit les prochains, on avait parlé du tome 2, mais là, dans ma tête, je pense qu'on est bon pour 5. Et Francis Dernay, en fait, en entrevue, côté visuel, t'as déjà parlé de tes personnages, bon, comme étant des personnages sans nez, et que tu dessinais pas de nez parce que tu trouvais que c'était pas quelque chose qui était utile, qui était expressif. Ben oui, je persiste et je signe. Ça dit pas grand-chose à un nez... Il y a des gens, je sais qu'en caricature, c'est très utilisé, on le déforme beaucoup le nez, mais en soi, le nez lui-même, je pense qu'il peut y avoir des narines expressives, mais au-delà de ça, à part quelqu'un qui est énervé et qui a les narines qui bougent, il n'y a pas grand-chose à faire avec un nez, donc Donc, ça sert à rien. Là. Donc, pour non, les moments de... C'était juste de Francis, Cléopâtre aurait pas passé. Et en même temps, ça limite un peu ou ça cadre un peu le type d'outil. Quand on tombe dans des moments de silence, ben on a la posture, on a les yeux. C'est tout ce qu'il faut. Puis on peut même leur mettre des lunettes, puis ça tient pareil. C'est ça qui est formidable. Les miracles de la BD. Et en même temps, quand on parle aussi de mots d'enfants, j'ai l'impression, Caroline Francis, que ça devient un genre qui, sans nécessairement être présent en bloc ces années-ci, mais il y en a toujours eu un peu. Il y a eu des petits Nicolas Sampé Goscinny dans les dernières années. Il y a eu Picobug, notamment, qui est arrivé. Est-ce qu'il y a un plaisir? Et qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on a autant envie, peut-être, de lire, de profiter des réflexions de ces humains en devenir-là? Oui, ben en fait, moi, ce que je pense, c'est que chez les enfants, on assiste vraiment à la construction de l'univers quasiment en direct. On voit les liens qui sont en train de se créer dans leur tête. Puis des fois, quand il y a des courts-circuits ou des liens qui se font au mauvais endroit pendant l'espace de quelques semaines, ça donne lieu à des réflexions intéressantes. Je trouve que pour nous, ça nous fait voir le monde d'une autre façon aussi. Comme quand ma fille me dit « Oh, moi, je sais pas encore contre qui je vais me marier », j'avais trouvé ça très drôle parce que, bon, en même temps que ça fait une espèce de connexion qui s'est pas faite dans sa tête, mais en même temps, tu te dis, c'est vrai que, tu sais, des fois, on a l'impression que, tu sais, le mariage et tout, tu sais, des fois, tu es en train de te picosser sur des petites affaires. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment rigolo de justement. Puis, je comprends tout à fait que les gens aient envie de s'abreuver à ça parce que ça donne vraiment une perspective différente sur le monde qui nous entoure. Puis, de toute façon, il y a aussi toujours l'idée de quand tu mets des réflexions dans la bouche d'un enfant. Au départ, on se dit un enfant, ben c'est pas intelligent ou ça sait rien, mais ça en sait plus qu'on pense. Puis quand on fait ressortir cet aspect-là, ben c'est ce qui fait que ça nous amuse beaucoup, puis qu'on des fois ben, on est surpris, puis que c'est drôle. Et tout ça dans un format assez petit aussi, qui se tient bien dans le lit ou en voyage ou ailleurs. Est-ce que ça change un peu de savoir qu'on travaillait sur un format plus réduit versus des albums plus traditionnels ou versus Burkett aussi, Francis, qui était un peu plus gros? Est-ce que ça change un peu l'approche qu'on va faire côté dessin quand on sait un peu la taille finale de tout ça, dans le détail qu'on va donner, dans le type de trait, etc.? Pas tant que ça. Moi, vu que j'allais me concentrer davantage sur le dessin, j'ai essayé de davantage me donner que dans Burkett par rapport à avoir des positions plus justes ou des postures plus justes, mm-hmm. en fait, ou avoir des décors un peu plus travaillés que dans Burkett. Donc, j'essaie quand même de pousser un peu plus mon côté dessinateur du fait que, bon, ben là, je pouvais pas me réfugier mm-hmm. derrière mes gags parce que là, il fallait que je mette ceux de Caroline en valeur. Donc c'était plus... Le défi au niveau du dessin était plus à dans cette direction-là. Et de ce que j'en ai compris, donc, on est en route vers un tome 2 et peut-être plus? Ah, ben toute la matière est là pour le tome 2, ça, c'est sûr et certain. Puis à chaque jour qui passe, je me dis, ça va arrêter, mais non, ça continue. C'est l'avantage d'avoir une machine à gag à la maison. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, bon, je suis quand même assez machine à gag moi-même. Ça fait que c'est sûr que plus j'en entends, plus ça me donne le goût d'en inventer aussi. Ça fait que, non, on devrait être bon encore. Là. Francis m'a donné de l'espoir tantôt, là, mais pour une couple d'autres tomes encore. Alors donc, on découvre la résultante de tout ça, Chronique d'une fille indigne de Caroline Allard et Francis Desharnais. J'ai des parents vraiment de base. C'est chez Amac. Et avant de vous laisser, Francis, je voulais mentionner aussi une prestation dessin musique avec Frédéric Lebrasseur qui s'en vient de ton côté très prochainement. Oui, très très prochainement à 20h tout à l'heure au Studio P dans le cadre de la classe de maître de Prit Parn, réalisateur d'animation estonien dont tu vas parler, je crois, dans quelques instants. Dans quelques instants. Alors, si les gens veulent aller te rejoindre ce soir et voir ton travail avec Fred Lebrasseur, ce sera l'occasion. Alors, ben merci à vous deux. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Alors, nous, ben, comme on le dit, on prend une courte pause et au retour, on porte un bref regard sur le travail de Prit et Olga Parn. Et toujours avec quelques petits extraits qu'on vous propose. Je vous rappelle, c'est Ravenstone. Et je vous rappelle également, si vous voulez écouter les émissions en balado-diffusion, c'est possible de le faire via lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, au bout du fil, on a le plaisir d'être en compagnie de la directrice générale d'Antitube, Annie Frenette. Bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, Annie, en fait, je tenais à te parler cette semaine. On te prend littéralement d'un événement pour que tu nous mettes en contexte, d'ailleurs, brièvement, sur une visite importante qu'on a à Québec ces jours-ci, qui se poursuit ce soir, qui se continue également avec des journées de projection et des soirées de projection cette fin de semaine au Musée de la Civilisation. Ces visites du cinéaste, en fait, Prit et Olga Parne et son épouse, évidemment, donc de passage à Québec. Et il faut dire, pour toi, c'était rien de moins, on pourrait dire, qu'un rêve d'amatrice de cinéma d'animation de les recevoir dans la capitale. Oh, absolument, absolument. C'est un rêve que je caresse depuis plusieurs années. Et avec la collaboration de la Cinémathèque québécoise et le Musée de la Civilisation et aussi Antitube, on a pu les avoir comme invités. Donc, présentement, lorsque je vous parle, on a accès, en fait, au Studio P, présentement, sur la rue Saint-Joseph, il y a une classe de maître, donc un masterclass, comme on dit, du réalisateur lui-même qui est là. Alors, il explique un peu son parcours et aussi ses films qu'il a commencé à faire, mon Dieu, en 60 à peu près, pardon. Donc, c'est en fin de semaine, on présente une filmographie complète de Prit Parne, ce qui est pas moins de 15 courts-métrages et longs-métrages d'animation. Ça a commencé hier soir, en fait, au Musée de la Civilisation, avec 3 courts-métrages présentés. Alors, là, présentement, c'est la classe de maître qui est en train de se faire. Vous pouvez venir nous rejoindre. Ça va se terminer vers 7h30, 8h. Et je crois qu'avec M. Béarnais, juste avant notre conversation, vous avez parlé de la petite performance ce soir à 20h au Studio P. Exactement. Mais M. Parne, en fait, est reconnu mondialement comme le père fondateur du cinéma d'animation estonien. Donc, c'est pas rien. Il y a une très, très grande influence aussi auprès des jeunes générations. C'est son œuvre qui laisse aussi largement une place à la satire politique et sociale, à un humour noir et quelque chose d'absurde. On peut dire aussi qu'il a vraiment créé un style, en fait, en soi. Parce que quand on circule dans les cinémas, dans les festivals de cinéma d'animation, on va souvent pouvoir dire « Oh mon Dieu, on dirait un film estonien ». Donc, il a vraiment laissé sa trace graphiquement. Donc, c'est une chance unique de voir des copies, même en 35 mm, samedi et dimanche. Il y a encore 4 programmes de présenter. Et Annie, si on essayait justement, pour ceux qui connaissent pas Prit Parne, de décrire en quelques mots peut-être son style. Donc, on parlait de côté absurde, satire politique, côté contenu. Comment ça se transpose côté visuel, justement? OK, ben côté visuel, pour moi, il y a la grandeur d'un artiste que Picasso aurait pu avoir. Ça, c'est dans mes yeux à moi. Donc, on découvre par sa satire des lignes qui sont abstraites. Il nous amène dans des chemins qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pensait pas connaître. Il joue avec les couleurs, avec les teintes de gris. Donc, c'est une esthétique à lui. Et c'est pour ça aussi que ça en fait un cinéaste d'animation très, très reconnu internationalement. Et ce qui est important de mentionner, parce que je parcourais aussi la programmation, on a tendance, même en regardant un peu les récompenses que Parne a eues, à se dire, mon Dieu, c'est vraiment une œuvre majeure, mais c'est une œuvre qui est dans le passé, alors qu'il y a des productions qui datent même de 2010. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours actif depuis près d'une quarantaine d'années. Là. Oui, il est toujours actif, sans aucun doute. Et les derniers films ont été co-réalisés avec sa femme, Olga Parne, qui est également ici à Québec pour la durée de leur séjour. Et en 2010, il avait remporté un prix, entre autres, au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Et côté évolution, j'imagine que le fait justement d'avoir accès à presque l'ensemble de sa production cinématographique, au fil de la fin de semaine, on va vraiment pouvoir profiter de l'évolution de son style vers la maturité, vers une certaine expérience, etc. Oui, effectivement. Et faut pas oublier que la première carrière de Prit Parne, il était caricaturiste. Donc, il y a vraiment un trait qui nous amène des figures très, très stylées. C'est aussi un artiste, moi j'appelle ça sérigraphie, lithographie, donc avec des presses. Donc, il y a vraiment un style graphique qui va vers les procédés... Sérigraphie. Je perds mes mots, je suis tellement énervée de l'avoir avec nous à Québec. Mais ceci étant dit, c'est dans les programmations demain et dimanche, il sera avec nous. Alors, ils pourront répondre à vos questions suite au programme. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus au Musée de la Civilisation à 15h samedi, ensuite à 19h30. Ça se poursuit à 13h dimanche et également à 16h, on présente Frank and Wendy, qui est un long-métrage de Prix de Parme. Donc, des courts-métrages pour samedi et dimanche, là, c'est le long-métrage. Oui, c'est ça. Alors, ben, l'invitation, elle est lancée et évidemment, on lance des bribes d'informations. Si les gens veulent un peu plus, tout le détail de la programmation et quelques images aussi, évidemment, sur antitube.ca, sinon en farfouillant sur Internet ou tout simplement en se rendant aux différentes activités qui vont être offertes au fil de la fin de semaine. Annie Frenette, on te laisse retourner à la classe de maître. Merci. Ben, merci à vous, en espérant de se croiser ce week-end. Excellent. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Alors voilà, c'était Annie Frenette, directrice générale donc d'Antitube. Vous êtes toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Vous écoutez La Vie en BD. À venir, dans la prochaine demi-heure, on aura le plaisir de discuter avec Samuel Quentin, un peu de rattrapage autour de son livre Ville et Misérable. Également, la chronique de Mira Falardeau. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers... Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Rétessant! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune. Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concoursql@commercialhotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatte et Belle Gueule. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. La santé vous tient à cœur? Écoutez Santé en direct animé par Joanne Verdon les samedis et dimanches à 8h au 89.1. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et également, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les menus des émissions, quelques actualités BD, on vous incite à nous suivre via Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et je le dis depuis quelques semaines, parce que c'est le lot de nos émissions du début de la saison. On fait un peu de rattrapage sur des titres qu'on a échappés, sur des titres dont on voulait parler, mais finalement, la vie et les horaires auront fait qu'on a été obligé momentanément de les mettre de côté. C'est le cas d'une parution qui est arrivée chez les éditions Pow Pow à la fin du mois de mai. Deuxième BD de Samuel Quentin, ça s'appelle « Ville et misérable ». Il est avec nous au bout du fil pour nous en parler. Samuel Quentin, bonjour. Bonjour. Alors, après Phobie des moments seuls et avec Ville et Misérable, on dirait que il y a un intérêt chez vous à des héros hors normes, des personnages inhabituels, un peu absurdes, et à ce plaisir d'en dresser le portrait au fil des pages. Oui, c'est tout à fait. Même qu'en fait, avec Ville, c'était vraiment ça l'idée. C'était comme, c'est de faire le outsider ultime, tu sais. Puis, ça a révélé trop sur la bande dessinée. Je pense pense que Lucienville, le personnage principal, est super marginal, c'est un euphémisme. Oui, effectivement. Il faut dire, en fait, pour vous, le personnage de Lucienville, c'est un personnage auquel vous avez pensé il y a quelques années. Je pense que ça remonte à vos études en cinéma à Concordia, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais fait un film. J'avais fait un genre de court-métrage où c'était pas exactement la même histoire, mais c'était quelqu'un qui se présentait au bureau le mauvais jour. On pensait que c'était le party d'Halloween, qui arrivait avec le costume de diable le plus flamboyant, mais pas le bonjour. C'était comme une série de petites humiliations comme ça. Mais c'était ça se terminait là. Puis j'ai comme juste repris cette image-là du gars habillé en diable au party d'Halloween. Mais là, tout le reste a suivi après, que c'est devenu que ça allait être un concessionnaire de voitures usagées, puis qu'il allait tenir une librairie dedans. Ça, c'était tout, ça tout est, c'est tout apparu au moment de créer la BD. Et d'où vient, en fait, je veux dire, comment on se creuse la tête pour en arriver à dire, ben, justement, mon personnage principal va travailler chez un concessionnaire d'auto usagé, mais va être vendeur de livres, en fait. Est-ce qu'il y a une quête, une volonté d'essayer de créer une situation de départ qui est peut-être un peu plus absurde, justement, de jouer un peu avec ça? Ouais, je trouvais ça absurde, puis drôle, puis improbable, mais aussi, je trouvais ça le fun pour un personnage, comme je disais tantôt, je voulais qu'il soit super outsider, si on veut, donc je voulais qu'il ait de la misère à communiquer avec les autres, je voulais qu'il se sente vraiment tout seul au monde, puis qu'il ait comme une passion secrète. Je me suis dit, c'est comme l'idée, je sais pas comment elle est venue, mais juste que lui tienne une librairie dans un concessionnaire de char, c'est tellement aux antipodes l'un de l'autre. Oui, de juxtaposer deux univers qui justement, ouais, normalement, iraient pas ensemble pour accentuer, exact, comme vous dites, le côté marginal de votre personnage. Mm-hmm. Exact, oui. Et côté création, contrairement justement à Phobie des moments seuls, qui était d'abord un blog, éventuellement Luc Bossé, je crois, vous a approché pour en faire l'édition. Dans ce cas-ci, c'était pensé d'abord simplement comme un projet de livre. Je pense que juste à peu près, quoi, les 16 premières pages qui avaient été éditées sous forme de fanzine. Donc, on se retrouve comme créateur dans une situation où on n'a plus le même contact dans la création avec le lecteur qu'on avait avec le blog. Comment on compose un peu avec ça? C'est vrai, ça. Ben, mon premier livre, c'est ça, avait été fait comme quasiment en direct sur Internet. Fait que j'avais du feedback à chaque semaine, puis c'était vraiment le fun, puis je savais que je m'enlignais un peu vers quelque chose que les gens aimaient, ben, mes amis du moins. Mais c'était quand même élargi, le public du blog. J'avais des commentaires de toutes parts. Fait que je savais qu'en sortant le livre, ça allait pas être... Il y en a à peu près juste les 25 dernières pages qui étaient inédites. Mm-hmm. Mais je savais que j'avais de quoi qu'il y avait au moins une portion de personnes allaient aimer. Mais avec ça même, je sais pas pourquoi, mais je l'ai même pas fait lire à mes amis proches pendant que je le faisais. Fait que, ouais, c'était comme un peu stressant au moment de la sortie. Ça a pris un an à faire, puis c'est en le sortant, je me suis réalisé que c'est comme, wow, je l'ai pas fait lire à personne. Mais comme ma blonde, il l'avait lu, puis Luc, mon éditeur, mais c'était comme à peu près tout. Comment, moi, c'est sûr que j'ai eu comme une petite panique juste avant, quand c'était sous les traits, j'étais comme, c'est-tu de la... c'est dur d'avoir du recul pour apprendre à... C'est dur de pas stresser avec ça. Oui, c'est surtout dans la mesure où, justement, on crée un univers qui jongle avec l'absurde, avec des personnages qui sont plus grands que nature, on pourrait dire, mais également avec quand même le cadre émotif, si on peut dire, de ces personnages-là, quel que soit leur univers, leur particularité, mais ça reste quand même quelque chose d'un peu plus réaliste, entre guillemets, côté réaction à l'intérieur de cette folie qu'on retrouve, là, si on peut dire. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça se fait s'identifier à Lucien, même s'il est horrible par moment. On va peut-être pas s'identifier avec ses actions, mais il y a une personne qui est pas passée par des moments de solitude, de frustration, de dépression dans sa vie. Tu sais, ça reste peu importe comment le récit peut être absurde. C'est sûr que les émotions des personnages restent humaines. C'était une volonté aussi, j'imagine, pour oui, de votre côté, pour pas que ça vire juste complètement vers l'absurde, puis qu'on perde peut-être un peu de repère là-dedans. Ouais, c'est une volonté qui est de l'émotion. Mais j'essayais vraiment de... Ça, c'était dur de composer avec ce ton-là, parce que je voulais qu'il y ait des moments d'émotion, puis un peu de vérité, mais en même temps, je voulais que ça reste super drôle. Puis j'avais toujours peur de tomber dans la mièvrerie ou la quétainerie, tu sais, quand il y avait... Il y a des moments où les personnages sont supposés être un peu plus sincères l'un avec l'autre. Oui, que ça détonne. Il ne faut pas que ça brise avec le ton. C'est comme plein de jokes. Tout est comme au second degré depuis 20 pages. Puis là, il va y avoir un moment d'honnêteté troublant. Est-ce que ça marche? T'sais? C'est comme qu'éteint. Est-ce qu'en comparaison avec le reste, ça ne fait pas du tout? J'essaie de doser ça comme ça. Et en même temps, à l'intérieur aussi du récit, on intègre justement à un moment donné un personnage qui devient l'assistant de Lucien, qui est un peu aussi le straight man de tout ça, et un peu comme nous, on est le straight man comme lecteur. C'est le seul qui lève la main et dit « Oui, mais c'est complètement absurde ce qui se passe, ça n'a aucun sens. » Est-ce que c'est un peu en réaction face à ce type de situation-là où on s'est dit « Mais peut-être que ça serait bon de signaler qu'effectivement c'est absurde ou d'avoir le personnage lecteur, si on peut dire, à l'intérieur du récit à un moment donné? » Oui, je pense que le personnage de Daniel était peut-être un peu trop apparent qui servait cette fonction-là, mais c'est vraiment un peu ouais, les lunettes du lecteur, un peu c'est la conscience comme du lecteur, un peu. La personne qui est un peu qui a un peu des réactions. Peut-être le seul personnage qui a des réactions à peu près cohérentes et normales tout le long du livre, auxquelles on peut s'identifier pour juger les actions des autres. Oui, parce qu'à la limite, j'ai l'impression que vous en avez toujours un peu comme ça. Dans l'autre, dans Phobie des moments ça, c'était un peu le panda qui était le plus rationnel. Donc d'avoir un ancre de rationalité à l'intérieur de vos univers un peu plus particulier. Mais je pense que ça rend ça plus drôle. Mmh. Je pense qu'un univers où tout le monde serait coucou puis complètement débile, je pense que pour que ce soit drôle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la scène et qui réagisse. Tu sais, la fonction du straight man vieille comme le monde, mais ça prend quelqu'un pour dire « Attends une minute, tu juste de dire ça? » Quelqu'un qui peut faire un petit clin d'œil au lecteur ou au spectateur, ou ça, c'est une fonction qui est un peu partout, tu sais, comme dans mettons The Office, t'as le boss qui est comme super farfelu, mais t'as toujours le personnage de Tim qui va regarder la caméra pour dire aux téléspectateurs, t'as-tu vu ça? Genre, oui, en fait, le clown blanc, le clown rouge, d'avoir quelqu'un de plus normal, entre guillemets. Ouais, exact. Ouais, exact. Et à l'intérieur de Ville et Misérables aussi, pour ceux qui avaient lu Phobie des moments seuls, on a peut-être été tous un peu surpris aux premières pages, au moins à l'apparition du fanzine. Mon Dieu, c'est une vraie BD, c'est pas un récit illustré. Est-ce que c'était Phobie l'exception, ou est-ce que c'est Ville et Misérables l'exception, ou est-ce que c'est pour le plaisir d'explorer différentes approches? Je pense que c'était Phobie l'exception, assurément, en fait, ouais. Puis ça, je pense que ça venait de la forme découlait un peu du... contenant qui était comme une page web à la base. Puis je trouvais que c'était plus clair comme ça sur Internet. Des gros dessins avec du texte en gros à côté. Des fois, j'ai de la misère à lire, mais des fois, je lis de la BD, des blocs de BD. Je trouve ça moins le fun quand il y a des cases. Ben, pas sur ça moins le fun, mais ça m'a mis comme naturellement de faire des gros dessins, puis de faire des entrées comme ça avec du texte. C'est toute seule, mais après, tout de suite, c'est comme qu'il a fait une BD. C'est ça que j'ai toujours eu envie de faire. Oui, parce que le trait aussi est beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé dans Ville et Misérable versus les dessins plus gras, entre guillemets, de Phobie des moments seuls. Oui, ça, je sais pas si je vais... ça m'a surpris moi-même. C'est comme... J'ai fait les 10-15 premières pages, j'étais comme... Tabarouette, j'ai tellement mis de traits partout, j'ai tellement mis de détails. C'est comme là, il faut que je tienne cette cadence-là pendant 150 pages. Je sais pas si... Ça se peut que le prochain livre, le dessin, soit plus relâché. Ben, pas botché, mais ça se peut que... J'ai l'impression que chaque histoire va dicter un peu le style. Et d'ici là, ben justement, on peut redécouvrir, si ce n'est déjà fait, évidemment, votre univers, donc avec Ville et Misérable. Donc, c'est déjà disponible chez Pawpaw. Et est-ce que il y a d'autres projets qui s'en viennent du côté de Samuel Quentin? Oui, je suis en train de... Mais c'est plutôt embryonnaire en ce moment. Ça devrait sortir en 2014. Mais je commence, là. Alors, on va travailler là-dessus. On va surveiller ça toujours dans l'univers absurde où on se réinvente un peu? Ça devrait être un petit peu plus à date, ça sur quoi je travaille, c'est un petit peu plus réaliste peut-être que Ville et Misérable, mais ça reste en même temps humoristique. Mais il y a peut-être moins d'éléments absurdes, peut-être. À suivre. À suivre. À suivre, ouais. Samuel Quentin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Bonne journée, bye bye. Alors voilà, c'était Samuel Quentin, auteur, donc, je rappelle, de Ville et Misérable, disponible aux éditions Pow Pow. Et voilà, dernier clin d'œil sonore de cette émission. Alors, on vient d'entendre un petit extrait toujours de Ravenstone, donc dans l'univers de la musique 8-bit. Et ben avec nous en studio, nouvelle collaboration, un plaisir. On l'avait rencontré l'année dernière à l'émission autour justement de son travail sur les expositions manga, autour de l'événement manga dans les bibliothèques. Et au fil des discussions, ben, on a eu envie de profiter de ses regards sur la bande dessinée, oui dans le manga, mais aussi de manière beaucoup plus large. Et on l'apprend à alors qu'elle explore et qu'elle a envie d'explorer avec nous l'univers de la féminité des femmes dans la bande dessinée, les auteurs et autres. Alors, c'est un plaisir de l'accueillir avec nous, Mira Falardeau. Bonjour. Bonjour, Raymond. Et ce mois-ci, on s'intéresse à Israël à travers le regard d'une auteure. Alors, l'auteure en question, c'est Sarah Glidden, qui est une jeune femme américaine qui a publié « Comment comprendre Israël en 60 jours ». Alors, ça a été d'abord une expérience pour elle formidable parce que cette jeune juive américaine a profité d'un programme qui s'appelle Taglit. Alors ça, c'est un programme qui est né en Israël et qui fait que ces gens-là invitent des juifs américains, des jeunes, à visiter Israël à leurs frais pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que ce magnifique pays. Oui, pour voir d'où ils viennent, pour voir l'origine en fait, un d'où peu. Viennent, d'où viennent le peuple juif. Ouais, d'où vient la religion. Bon, ceci dit, on sait qu'Israël est en guerre depuis un certain nombre d'années, donc la jeune Sarah Glidden, c'est à peu près comme si n'importe quelle Québécoise se faisait inviter là. C'est-à-dire, waouh, un voyage gratis, j'y vais, mais oublie ça, je me ferai pas enfler la tête, je suis pas d'accord avec leur position, je suis anti-guerre, je suis pacifiste, j'y vais pour le fun. Et elle part. Sauf que elle est un peu, pas trop, mais un peu dessinatrice, puis elle fait des petits croquis, elle revient aux États-Unis et elle publie des mini-comics. Ils ont un succès épouvantable et un éditeur lui dit, écoute, tu ramasses tout ça, tu mets de la couleur, puis je te publie. Ce qu'elle fit, et elle a mis la couleur à l'aquarelle, ce qui est absolument magnifique. Et ça a donné le livre en anglais d'abord, donc en 2010. 2011 en français chez Steinkiss. Et ça a été nommé comme un des 10 meilleurs romans graphiques parus aux États-Unis en 2010. Donc, quand même, pour un premier ouvrage. C'est quelque chose. Oui. Moi, je m'intéresse à la BD faite par les femmes. Pourquoi? Je vais juste vous le dire de même. Là, je viens de terminer tout à l'heure un manuscrit de 255 pages qui s'appelle Femmes et humour. Ça fait que Sarah Glidden, elle m'a tombé dans les yeux tout de suite. J'ai fait wow. Alors, juste pour situer l'album, parce que c'est vraiment un plaisir à lire, c'est un album qui est, bon, roman graphique, en super couleur douce, qui arrive tout à fait en contradiction avec le propos qui est très dur. La jeune fille, elle arrive aux États, en Israël, c'est compté de la façon suivante, il y a 7 chapitres. Chaque chapitre, c'est une grande promenade qu'ils ont faite, et au départ de chaque chapitre, il y a la carte du voyage qu'ils vont faire en autobus, mais c'est tellement bien évoqué. Écoute, nous, au Québec, on connaît pas vraiment Israël. Je dirais que les anglophones, un petit peu plus. Nous, au Québec, on serait peut-être plus, entre guillemets, souvent pro-palestinien. Ce en quoi on n'a pas beaucoup plus raison que d'être pro-israélien. Mais enfin, bref, tout ça pour dire, tu finis le livre, tu dis, waouh, quelle histoire extraordinaire. Donc, la petite Sarah, pour faire une histoire courte, elle s'en va en Israël. Puis au début, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est du bourrage de crâne. Mm-hmm. Fait qu'elle réagit énormément. Et nous, on est vraiment avec elle. On dit, ben oui, voyons, c'est du... Mais là, tranquille, ben oui. Puis, ouais. Puis elle discute. Alors, là, les techniques narratives, je vais juste comparer un tout petit peu avec Chronique de Jérusalem de Guy Delisle, parce que ça nous fait un point de comparaison. Chronique de Jérusalem, qui, tout le monde doit le savoir, a gagné un prix à Angoulême en 2012, ce qui était quand même assez extraordinaire. Mm-hmm. Et un bel ouvrage, en fait, qu'on avait l'impression de mieux magnifique. Comprendre peut-être un peu le conflit, où justement, j'imagine un peu avec Sarah Glennon, ça donne une vision, un regard sur écoute, une situation. Écoute, c'est tout à fait différent comme approche, c'est ça qui est fascinant. Moi, j'avais lu Chronique de Jérusalem de Guy Delisle avant. Guy Delisle, ceci dit, j'espère que tout le monde le connaît, si on le connaît pas, c'est un auteur qui a une plume extraordinaire, c'est très graphique, c'est magnifique, il dessine comme un dieu. La narration, c'est beaucoup du monologue et très peu de dialogue, parce qu'il est tout seul, pour vous. Il s'occupe de ses enfants, puis il se promène. Alors que là, au contraire, Sarah Glidden, elle est toujours en interaction. Donc, ce ne sont que des dialogues. On sait à mesure ce qu'elle pense, parce que d'abord, ils sont un groupe, donc elle discute avec les autres. Quand elle discute pas avec les autres qui sont dans son tour, elle discute avec les jeunes sur place. Et c'est donc tout à fait différent. C'est extrêmement intérieur comme roman. T'as l'impression de vivre ça de... C'est émotif, c'est à fleur de peau. Alors au début, donc, je disais, être un peu boire, regarder, me bourrant pas le crâne. Et puis, évidemment, il y a des moments très émouvants. Elle pleure, on a quasiment le goût de pleurer avec elle. La plume est magnifique. Les techniques narratives aussi sont assez spéciales. Puis je les explique pour deux raisons. D'abord, c'est brillant. Puis deuxièmement, ben, tu sais, si jamais il y a du monde qui fait de la BD puis qui écoute ça, ça donne. Non, mais écoute, c'est tellement brillant. Bon, la première technique narrative que j'ai trouvée assez fascinante, c'est que des fois, elle est un peu révoltée. C'est que là, tout à coup, on la voit, au lieu de la voir penser, elle se met en scène comme une avocate dans un prétoire qui plaiderait sa cause. Alors ça, c'est vraiment chouette. Alors elle vient illustrer, dans le fond, le débat. Tout elle vient fait. Montrer c'est la situation. C'est que son débat intérieur est figuré, est au figuré. C'est extrêmement plaisant. Oui, puis ça, j'imagine que ça crée un peu une parenthèse aussi dans les approches tout de récit, fait. Ça apporte tout un rythme. Tout à fait, ça change le niveau de disons, de narratif. Une autre technique qui est très, très belle, à un moment donné, ils s'en vont écouter des témoignages de jeunes Israéliens qui ont perdu des proches durant le conflit. Et à chaque ils sont deux jeunes Israéliens qui font des témoignages. Et dès qu'ils parlent de la personne qu'ils ont perdue, on voit cette personne-là dessinée à côté d'eux, mais à la ligne transparente. Comme si finalement, c'était, j'allais dire un fantôme, mais pas du tout. Ils sont présents, mais dans l'imaginaire. Mais ils vont aussi s'asseoir dans la salle. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Autre technique, elle a laissé son chum aux États-Unis. Il s'appelle... excuse-moi, Jamil. Alors, on devine qu'il est musulman, mais en fait, elle le dit presque à un moment. Puis bon, quand ils s'embrassent, quand elle part, il dit, ben là, j'espère que tu sais, tu te feras pas bourrer le crâne. Elle dit, ben non, inquiète pas, mais elle l'appelle des fois, elle lui téléphone, puis elle évoque son doute. Puis là, tu vois comme l'autre, qui est pas dans la situation de la jeune fille, qui est complètement troublée par ce qu'elle voit, il réagit de façon très raide. Puis là, tu vois comme le changement de discours. Elle dit, ben non, fais-toi-en pas et tout. Puis on comprend encore mieux son évolution, parce qu'on sent le décalage qu'elle est en train de vivre par rapport à son chum. Donc, de mettre l'avant, de mettre l'emphase un peu sur son évolution personnelle. Oui, exactement. À travers les yeux d'autres personnes. Oui, exactement. Qui pourrait être nous aussi, en fait. Parce que nous, on est restés au Québec, on n'est pas allés, là. Exactement. On n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. C'est que j'imagine, c'est pour ça aussi qu'au début du récit, on est beaucoup plus dans ses souliers, puis au fur et à mesure de ses expériences, on les comprend, mais on a un point de référence aussi pour nous repositionner, si on disons peut dire, qu'on voit son évolution, sans mieux son évolution. Finalement, une dernière technique narrative que j'ai trouvée très chouette, c'est qu'à certains moments, elle copie à l'encre de Chine avec du lavis des photos. Et des photos de personnes célèbres, par exemple Moshe Dayan, ou de personnes moins célèbres, des photos de juifs des années 40, 50, etc. Et ça aussi, ça donne un petit côté vieillot à la narration. Bref, au niveau narratif, c'est formidable. Alors évidemment, toute médaille de côté. Sarah Glidden, il faut le dire, ne dessine pas très bien. Alors là, c'est l'ex-dessinatrice qui parle et conjointe de dessinateur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je suis mariée avec André-Philippe Côté, caricature. Donc, on aime ça, critiquer le dessin. Quelqu'un qui dessine pas bien, ça m'énerve. Sarah Glidden, ce qui est formidable avec elle, c'est qu'elle a comme deux styles. Elle a le style du premier plan, parfaitement bien dessinée. Puis là, elle a le style du second plan, c'est-à-dire des personnages secondaires. Puis là, tu dis, mais Seigneur du bon Dieu, veux-tu même dire pourquoi elle a si mal dessiné ses personnages? C'est même pas à l'esquisse, ils sont croches, ils ont des petits bras, des jambes croches. Et puis ça donne à l'ensemble une espèce de facilité, mais en même temps, tu dis zut. Voilà. C'est pas du beau botché, mettons. En tout cas. Bon, ça, c'était mon 10 secondes de critique parce qu'aucune œuvre est parfaite. Non, c'est bien fait, j'imagine. C'est plus une œuvre de scénario BD, de mécanisme, de mise en scène BD que de dessin. Ben non, mais là, je vais recommencer à lui lancer des fleurs. Ouais. Écoute, c'est une magnifique coloriste et finalement, et une très bonne décoratrice. Donc, si tu oublies les personnages secondaires un peu croches, la BD, elle est très très belle, très agréable à lire. Et finalement, quand tu finis le livre, tu as vraiment l'impression non seulement de connaître l'histoire d'Israël, mais tu as le goût d'en savoir plus. À plusieurs reprises, d'abord, elle met un lexique, ça c'est vraiment gentil, mais à plusieurs reprises, je suis allée voir sur Internet telle histoire. Écoute, elle remonte à la Bible, elle remonte partout. Bref, j'avais rarement vu une œuvre aussi complète avec tant de plaisir à lire et je la conseille à toute personne qui veut profiter de cette très belle aventure dans un conflit qui n'est absolument pas réglé. Non, puis qui qu'on comprend en fait à la lecture par exemple de Guy Delisle, je pense qu'on était déjà plusieurs à via Joe Sacco aussi et d'autres découvrir via des auteurs BD à quel point dans le fond finalement on comprend un peu ce conflit-là, à quel point il y a une réalité qui est très particulière. Mais j'ai l'impression que justement à travers le médium BD, à travers les mécanismes aussi de la BD, ça apporte un autre type d'explication, un autre type d'accompagnement que ce qu'on voit à la télé, que ce qu'on lit, de par justement l'apport peut-être graphique, de par les dynamiques de narration qui sont intégrées à l'intérieur de ça. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ce livre-là, j'ai eu exactement le réflexe que t'as. On prend Palestine de Sacco, Chronique de Jérusalem de Delisle et Comprendre Israël de Glidden et on fait une super analyse parallèle. Mais comme on l'a pas fait parce que ça c'est vraiment lourd à faire, il faut savoir une chose, c'est que autant Palestine est dure et tu sais c'est vraiment agressant, autant je dirais, mais sans aucune mauvaise pensée, mais dire que Chronique de Jérusalem est froid, c'est-à-dire c'est vraiment détaché. Mm-hmm. On parle de lui souvent comme d'un auteur naïf, tu sais, qui hésite, qui sait pas trop. Bon, mais alors Comprendre Israël, c'est émotif, c'est chaleureux, c'est émouvant. Donc t'as vraiment les trois gammes face à la même problématique qui est, bon, elle va-tu finir un jour cette guerre-là? Ben t'as les trois gammes et celle-là évidemment est très très émotive et très sensible. Alors ça s'appelle Comprendre Israël en 60 jours, c'est de Sarah Glidden, c'est disponible chez Steikis, Steikis, et ça date de 2010. Donc, toujours des livres qui sont disponibles, évidemment. On peut toujours les retracer. Et nous, Mira Falardeau, on se dit au mois prochain. Eh bien, merci beaucoup, Raymond. Dans un mois. Excellent. Alors, notre collaboratrice Mira Falardeau et le récit de 250 pages, ça s'en vient éventuellement aussi, ça. Ah, de ton ça côté, y est, hein. C'est fait. Là, c'est il est fait. Photocopié, il part chez les éditeurs demain matin. Oh yeah. On suivra merci ça aussi. Merci beaucoup. Merci Mira. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission. On se revoit la semaine prochaine. On aura l'occasion d'avoir Alexandre Sanson, François Sanson Dunlop et Alexandre Rousseau pour Poulet Gringrin, également JF autour du Crépuscule des dieux, nos collaborateurs également qui seront avec nous. Alors, passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1. Dans quelques instants, c'est Saul Finger. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt.